Studec Web. Il est 14h, passez un excellent jeudi sur Studec Web avec le coup de boost. Aujourd'hui dans Coup de boost, nous allons parler du nouveau carburateur à induction électromagnétique. Ça va être super. Ah ouais, mais non, c'est pas ça leur émission. Oupsie. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studec Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le deuxième réveil de la journée. Aujourd'hui nous sommes jeudi dans le coup de boost, J-1 avant le week-end. Peut-être que vous avez passé une semaine un petit peu compliquée, vous allez pouvoir vous reposer ce week-end. Axel est avec nous. Yes, salut Nathan, bonjour à tous. Ouais, je crois que je vais dormir durant deux jours là, le week-end va me faire du bien. Très gros programme. Et en face d'Axel, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir dans notre émission Lan de Shrek. Bonjour Lan. Salut Nathan, tu veux du clafoutis? Lan de Shrek, notre imitateur officiel, ça va Mathias? Ouais, et toi? Moi ça va plutôt bien personnellement, très content. Moi j'ai mandé avant le week-end et puis tous les hits que je kiffe hein, sur Studec Web bien sûr. Bon, moi il m'est arrivé une histoire un petit peu particulière hier soir les gars. En fait j'étais en train de dormir tranquillement, j'avais laissé mon téléphone allumé pour que le réveil sonne hein, du coup. Et ce qui s'est passé c'est que Siri m'a réveillé en sursaut. Ah. Insupportable ce robot. Insupportable, il me disait « Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire ». Et du coup je me suis retrouvé tout seul. Les robots justement, on en parle dans notre dose du jour aujourd'hui. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh la fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais mais c'est trop bien quoi. Le dose du jour sur Studec Web. Alors qu'à l'époque de nos grands-parents, changer une bougie sur une voiture c'était comme allumer la lumière. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de faire les choses, de remplacer des choses, à cause de la technologie et des robots notamment. Vous nous dites, qu'est-ce que vous pensez des robots aujourd'hui, de l'évolution de l'intelligence artificielle, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, c'est Axel qui s'occupe des réseaux sociaux. Exactement. Avec le hashtag robot qu'on lance dès maintenant sur Studec Web. J'attends tous vos messages. Mathias et Axel, vous en pensez quoi des robots? Moi je trouve ça un peu flippant la manière dont l'intelligence artificielle elle évolue. Je trouve ça vachement creepy, tu vois par exemple. Il y avait, je sais pas si t'as entendu parler du robot qui s'était suicidé là, qui s'était foutu dans une fontaine, j'en parlerai plus tout à l'heure si tu veux. Mais... Ok, c'était incroyable comme truc, je t'en raconterai. Et toi Axel? Bah, je pense que ça peut être très utile tu vois pour nous aider au quotidien, mais il y a un côté tu vois qui me fait peur, il y a un côté que je trouve pas naturel. Et j'ai peur que tu vois par la suite on devienne un peu des assistés de la vie tu vois. Je pense qu'il faut que ça reste, on doit rester autonome et on doit quand même mettre certaines barrières. Ouais, je suis d'accord avec toi Axel, j'ai un petit peu le même avis que toi. Perso, les robots, on en parle dans un instant tous ensemble les amis. On va jeter un petit coup d'œil à la couleur du ciel avec Mathias. Et tout ça, ça arrive juste après le son de Patrick Fiori en duo avec Soprano. Chez nous, sur Studec Web, passez un excellent début d'après-midi avec le coup de boost. Vous là-bas, vous irez là, bâtiment 23. Toi, tu fais quoi, l'asmala? Mettez-vous par là. Thierry, Thalé, toi, Malien, vous serez voisins. Un jour, on s'est posé là. Vous, toi, la coince étroit, pas de charabia. C'est provisoire, on verra. 30 ans qu'on est là. L'école en bas, le tabac. Deux boutiques ici. Et c'est là qu'on a grandi. On avait traversé les mers, on avait tout laissé derrière. Dieu que la vie nous semblait belle, on était chez nous au plan d'Herbel. On faisait le tour de la terre, à chaque étage solidaire. C'est ici qu'on poussait nos ailes, dans notre Babel. Traverser les mers, on avait tout laissé derrière. sont les mêmes quatre tours. Les portes closes à double tour. C'était la liberté, la France. Nous c'est méfiance et défiance. On n'avait pas versé. Sur Studek Web, c'est le coup de boost avec à l'instant le son de Patrick Fiori en duo avec Soprano, chez nous. Et aujourd'hui, en ce début d'après-midi, on est ensemble. Vous êtes toujours là, Axel et Mathias ? On est là, Nathan ! Toujours là. Bien réveillé. Ah, Mathias, il est là un petit peu moins. Non, j'étais là, j'étais en train de parler à Siri, justement. Aujourd'hui, dans le dos du jour, on parle des robots. Avec déjà beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, Axel, avec le hashtag robot. Ah, vous êtes très très nombreux à réagir, je vois, sur Twitter, Facebook, Instagram, avec le hashtag robot, tout à fait, sur tous les réseaux sociaux de Studek Web. On a Franck@RibériFoot qui nous dit sur Instagram, les robots, j'aime pas ça, wesh, hier j'ai mis un but avec le Bayern et la caméra, elle a dit que j'étais hors jeu. Oh les fautes. Oh là là, Franck, alors, écoute, on ne te juge absolument pas. C'est vrai que les caméras, elles ont des possibilités qui sont quand même vachement développées, qui nous permettent vraiment d'avoir une vraie justesse, j'ai envie de dire. Oui, en plus de l'arbitre, quoi. Ouais, mais écoute, je trouve que ça nous sert. Et la caméra, c'est d'ailleurs le foot, c'est le seul sport où on n'utilisait pas la caméra, on a été les derniers à l'utiliser. Ouais, c'est vrai. On en reparle juste alors, après. On jette un coup d'œil à la météo de cet après-midi, Axel. La grisaille très présente sur la moitié nord cet après-midi va avoir du mal à se dissiper complètement sur le nord-ouest et les vallées du nord-est. Ailleurs, toute cette humidité va évoluer vers des éclaircies, principalement dans le sud-ouest. Sur le golfe du Lion, les entrées maritimes apportent un temps maussade toute la journée et des pluies parfois soutenues sont à prévoir sur le relief des Pyrénées-Orientales. En Provence, le ciel est recouvert d'un voile de nuages assez épais. Du côté des températures, 8 pour la capitale, 14 pour Cherbourg et Grenoble, 16 pour Nantes et Clermont-Ferrand, et la maximale est prévue à Ajaccio où il fera 19 degrés. Oh mince, j'ai encore oublié la mort de Louis XVI. Ah, mais je t'avais dit de noter. Le post-it sur Studek Web. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre, c'est la journée mondiale de la philosophie, vous qui nous écoutez. On en parlait d'ailleurs mardi avec notre sujet du jour, c'était sur les profs. Exactement. Ouais. On se rappelle, Axel nous avait dit qu'il était très bon en philo. C'était l'angoisse. Avec une note au bac, on se rappelle de 6. C'est ça. Bien ouais. Aujourd'hui, on est le 15 novembre, et qu'est-ce qui s'est passé d'autre le 15 novembre, Mathias ? Alors, Mathias. Pardon, oui. Moi, c'est le 15 novembre 1971, Intel commercialise le premier microprocesseur. C'est pour vulgariser, en gros, le cerveau de nos ordinateurs. C'est une invention qui est signée Marcian Wolf, ce qui donnera naissance quelques années plus tard au premier micro-ordinateur. En 1999, en France, l'Assemblée nationale vote le pacte civil de solidarité, plus connu sous le nom de PAX. Le PAX, en fait, ça permet à des couples hétérosexuels et homosexuels de s'unir sans se marier et sans vivre en concubinage. Et oui, Salvador Mundi, c'était le... L'année dernière. Ah pardon, c'était l'année dernière, oui exactement, Salvador Mundi, l'œuvre de Léonard de Vinci devient officiellement l'œuvre la plus chère du monde. Cette peinture sur bois de Noyers, en effet, était vendue pour, tenez-vous bien, 450 millions d'euros. Ça fait cher quand même. De dollars, pardon. Ouais, c'est énorme. Plus cher, du coup, wow. Plus cher. Et l'année dernière aussi, on a annoncé la découverte d'une exoplanète. Une exoplanète un peu particulière, Ross 128b, une planète à peine plus massive que la Terre, qui réunissait des conditions favorables à la vie, que ce soit au niveau de l'eau, de l'atmosphère. Le seul problème, c'est qu'elle était à 11 années-lumière de la Terre, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un alien, il s'appelle Globus Quefeu, un alien venu tout droit de Ross 128b dans le studio. Bonjour monsieur, ou madame, enfin bref... Bonjour humain. Installez-vous. Ici Globus Quefeu, ambassadeur de Ross 129b, je viens en paix. Globus Quefeu, très sympa, j'ai pu échanger un petit peu avec Merci. Lui tout à l'heure. Je dois avouer que vous êtes plutôt sympa aussi. Je vais enlever mon scaphandre. L'air à l'heure est plutôt respirable. Il n'y a plus d'hélium ici. Faites pas ça, il n'y a pas d'hélium. Sans hélium. Comment ça? Arrêtez. Non. Ah. Ah, Globus Café est mort, mince. Bon, ce qu'il va falloir qu'on fasse, est-ce que quelqu'un peut enlever le corps du studio du coup ? Je m'en charge. On va enchaîner. Bah non, on va enchaîner avec toi justement, Axel. Qu'est-ce que je peux faire ce soir ? Eh bien, ce soir, il y a plein de spectacles et de concerts très sympas. Il y a Alain Chamfort qui sera en concert au Trianon ce soir. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu son dernier clip, je vous conseille d'aller le voir. J'ai adoré. En gros, il y a des petites caméras du style, tu sais, vous savez, les petites GoPro qu'on met sur la tête. Ouais. Et ben, il a adapté ça sur la tête de ses chats, de ses propres chats, et le clip est réalisé par des animaux, c'est énorme. Et en fait, le titre du clip s'appelle « Tout est pop ». Je vous conseille vraiment d'y aller voir, c'est très rigolo. Et puis ce soir, si vous avez envie de plutôt rigoler, et bien il y a Harry Habitant qui nous présente son nouveau spectacle au Casino de Paris après 2 ans d'absence sur scène. Il revient en force avec son nouveau show qui s'appelle « My Story ». Ça peut être pas mal, Harry Habitant, ce soir. Sinon, ah, si vous êtes bon. Si vous êtes né plutôt un 15 novembre aujourd'hui, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bon anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Jennifer. La coach de The Voice a 36 ans aujourd'hui. D'ailleurs, si vous étiez sur Studek Web hier, en fin d'après-midi, on recevait Emma, rappelez-vous, 9 ans, demi-finaliste de The Voice Kids sur Borderline. On a aussi 2 autres chanteuses qui sont nées aujourd'hui, Mathias. Exactement, c'est l'anniversaire de Petula Clark. Joyeux anniversaire, et celle d'Annifrid Lyngstad, surnommée Frida, chanteuse très connue. C'est l'une des membres du célèbre groupe suédois ABBA. On continue sur Studek Web, le coup de boost avec Sia, I'm Still Here, les infos inutiles qui arrivent. On vous explique tout pour gagner un excellent pack Studek Web avec notre jeu Le Booster. The best, still wanting me, bit of the best, turning to me, or the best. son de Sia, I'm Still Here. Merci d'avoir choisi Studek Web, pardon. De 14h à 15h sur Studek Web. Studek Web, désolé, j'ai du mal à dire le nom de ma propre radio, c'est quand même grave. Oh, bienvenue attends. À vous, si vous voulez nous rejoindre sur le coup de boost. Il est un peu plus de 14h15, on a une minute de retard. On vous donne des infos inutiles mais intéressantes avec une première info, Axel, sur les oignons. Voilà, oui, alors on est d'accord qu'on a déjà tous épluché des oignons et que c'est horrible, on est bien d'accord là-dessus? Ouais. Ouais, ça pique les yeux. Bien, bah oui, on est d'accord, c'est atroce. Et bien, j'ai la solution, il faut mâcher du chewing-gum. Alors, je vous avoue que j'ai pas testé, mais je compte bien tenter l'expérience ce week-end. Je vous tiendrai au courant. Okay, merci, non mais il paraît que c'est une espèce de repoussant. Ouais. Une deuxième info sur les pyramides de Khéops. Mathias, tu m'en as parlé tout à l'heure, c'est un peu ouf quand même comme info. Ouais, plus ou moins les pyramides de Khéops. En fait, je t'explique, la pyramide de Khéops, elle a été construite vers 2560 avant Jésus-Christ. Et la dernière espèce de mammouth, elle s'est éteinte aux environs de 1700 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que les mammouths se sont éteints environ 860 ans après la construction des pyramides. C'est ouf. C'est énorme. C'est incroyable. Moi, ouais, je pensais que c'était... Il s'était éteint, mais genre bien avant. Ouais, moi aussi. Incroyable. D'accord. Et puis moi, j'ai une dernière info, les gars. Je voulais vous parler un petit peu des lois en ce moment qui sortent. J'aimerais revenir sur une ancienne loi un petit peu stupide. Je vais pas vous dire qu'elle sert à rien, mais là, on a atteint un sacré niveau quand même. À votre avis, on part dans quel pays? Une loi stupide, les États-Unis. Ah, ouais, je pense. Ah, tiens, c'est beaucoup bizarre. Les States, exactement. Il y a que les Américains pour nous offrir des lois complètement tordues. On connaissait déjà l'interdiction de faire du bruit en mangeant sa soupe. C'était New Jersey. C'est une loi qui oblige les citoyens du Kentucky à prendre au moins un bain par an. Histoire de sentir bon. Prendre au moins un bain par an. Faudrait l'obliger aux gens qui prennent le métro. Mais comment ils font? Tu penses qu'ils font des contrôles? Ah, j'en sais rien. Faudrait l'obliger aux gens qui prennent le métro, mec. C'est incroyable. À Paris, surtout. C'est pas bête. Et sinon, c'est cette dernière loi qui est sortie à Clawson, dans le Michigan. Il est légal pour un agriculteur de coucher avec ses porcs, vaches, chevaux, moutons. Oh non, ah, si, mais si, ça, c'est de la zoophilie. Mais non, moi, je pense que ça peut être une bonne idée pour lutter contre l'extinction des espèces. Bon appétit. Oh. Ah, je crois que c'est l'heure de l'alerte média. Exactement. Axel, qu'est-ce qui s'est passé? Après les podcasts, le magazine People Voici vient d'annoncer qu'il poursuit sa politique d'innovation, excusez-moi, avec la sortie vendredi en kiosque d'un numéro spécial beauté qui fait appel à la réalité augmentée. Alors, autre nouveauté, l'hebdomadaire va ouvrir le 7 décembre son premier pop-up store. C'est en fait une boutique éphémère qui va voir le jour dans le quartier du Marais à Paris. Il s'agira d'un espace dédié à la mode, à la beauté, au bien-être, dans lequel leurs partenaires pourront faire découvrir leurs offres à travers des ateliers et des animations. Il y aura par exemple des dégustations de cocktails, très sympa, je sais que l'équipe, vous allez foncer. Mm-hmm. Le premier jour, vous serez là. Ah non, mais oui. Des séances de yoga et plein d'autres encore. Bah, je trouve l'idée hyper cool, je pense qu'on pourra aller faire une petite sortie tous ensemble, les gars. Ça vous dit, mon pote. La sortie qu'on vous propose sur Studek Web, c'est de venir visiter les studios avec le pack Studek Web qu'on vous fait gagner. Maison, poisson, hélicoptère, verre de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. On va jouer dans un instant pour tenter de remporter, je le disais, le pack Studek Web. Il y a beaucoup plus de choses qu'une simple visite des studios. Il y a quoi, Axel? Il y a plein de choses. Il y a des stickers, il y a un stylo, il y a... Un crayon, les crayons, un t-shirt, les jantes. Non, ça c'est pas vrai. Mais toujours la visite des studios et tout, c'est incroyable. Avec toute l'équipe, on va s'éclater ensemble, on va faire de la radio ensemble et ça c'est le principal. Le principal aussi, c'est que vous participiez en tout cas sur Facebook, Twitter, Insta. Vous nous envoyez un message privé directement sur Studek Web avec le hashtag Booster. Je vous attends. Tu t'en occupes, Axel. Exactement. Tu récupères toutes les inscriptions. C'est simple. Au niveau des règles, on a un mot en tête avec l'équipe. C'est comme un espèce de devine-tête en fait, le jeu du booster. En gros, ouais. Vous avez un mot sur la tête et votre objectif, c'est de poser un maximum de questions pour retrouver ce mot imaginaire. C'est assez facile, vous allez voir. Ce mot imaginaire, on le sait, il a un rapport avec le DOS du jour. Aujourd'hui, les robots. Ouais. Donc ça peut être un personnage, un objet sur un robot, tout ça. On vous l'explique juste après. Vous restez avec nous, le son de Luis Fonsi arrive. Despacito. Despacito, on l'a entendu tout l'été dernier. Ça va vous rappeler les vacances. Et le DOS du jour, les robots, on en parle juste après sur Studek Web. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Studek Web. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous demanderons de nous accorder votre attention. Merci de vous installer paisiblement dans vos sièges et de monter le son de votre radio. Pour passer un agréable voyage en notre compagnie, nous vous recommandons de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, Studek Web. En cas de dépressurisation des ondes, merci d'attraper votre ordinateur qui se trouve sous votre siège et suivez-nous en vidéo sur le site www.studioecoledefrance.com. Les autres radios passent toujours la même chose.

On peut dire qu'au niveau de la sécurité, on est pas mal du coup. L'ensemble de ces informations sont traitées par un programme d'intelligence artificielle qui décide des manœuvres à effectuer en agissant sur des cerveaux-commandes qui contrôlent donc la principale fonction de la voiture, la direction, le freinage, l'accélération et les clignotants. La voiture autonome promet d'améliorer la sécurité routière en réduisant donc le nombre d'accidents graves, c'est ce que je vous disais. Elle permet également de fluidifier le trafic grâce à la communication, donc plus de bouchons, enfin moins de bouchons dans l'immédiat, et ça libérerait le conducteur du stress de la route, ça c'est assez pratique. Et alors ce dernier, par contre moi j'ai un petit peu peur, c'est vrai, de plus en plus je me dis ça va faire disparaître le métier de taxi, ouais. De chauffeur, de ouais. Uber, de VTC, ça fait disparaître un métier, j'ai l'impression un petit peu, tu vois. Bon, on n'en est pas encore là parce qu'heureusement c'est pas encore mis en application, les voitures autonomes on n'en voit pas encore beaucoup, on en ouais. voit très peu même, c'est quasiment... Tu vois, t'as dit c'est sécurisé, Axel, tout à l'heure, ouais. Mais là, à ce niveau-là, il y a un mec qui hack le tout, qui hack carrément le système, mais et ouais. Là, c'est terminé pour tout le monde. Ça, ça peut être une cause grave. Ouais, bah, justement, par rapport à ça, les Français sont pas trop pour l'arrivée de la voiture autonome. Moi, je suis pour. Ils se montrent plutôt... tu dois être le seul parmi les Français. Vous pouvez le dire, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, là. Ouais, selon une étude faite par OpinionWay, ils ne voient pas vraiment l'intérêt d'une voiture qui se conduit toute seule, en fait, sauf si cela leur évite de faire des accidents, mais encore là, c'est pas encore prouvé. 59% des personnes expliquent qu'ils n'ont pas confiance dans la capacité du véhicule à prendre une bonne décision. On cite également le manque de contrôle sur le véhicule qui arrive à 46%, la crainte d'avoir un accident est encore très très forte avec 45%, l'absence du plaisir de conduire, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment conduire des voitures, ouais. Le fait d'avoir une voiture qui conduit tout seul... Tu perds tout, bah ouais. Clairement, pour tous ceux qui ont des vieilles voitures, tout ça, ils aimeraient bien conduire leur voiture. Il n'y a plus de seul. Magie, en fait, il n'y a plus la magie de conduire exactement. Réellement. Exactement, et aussi la peur que le véhicule, comme je te le disais, se fasse pirater à 40%. Donc, pour résumer, les Français ne sont pas trop pour le véhicule autonome. Ouais, perso, moi je suis plutôt pour les voitures autonomes, je vais expliquer pourquoi. Moi perso, je suis dans la capacité de conduire, j'expliquerai pas ici pourquoi, mais en gros, je suis dans la capacité de conduire. Franchement, pouvoir conduire avec une voiture autonome, ça me plairait bien. Là où les gens devraient avoir peur, par contre, c'est pour les robots comme Boston Dynamics sont en train de construire. C'est des robots qui se relèvent lorsqu'ils chutent, qui se rééquilibrent lorsqu'ils sont sur le point de chuter. Les mecs, les trucs, ils sautent des obstacles, ils font des backflips, ils ouvrent des portes. Enfin bref, à ce rythme-là, moi, j'ai peur. Parce que ça fait que 10 ans qu'ils les développent et les trucs sont déjà capables de trucs de dingue. Ça va très très vite. Ouais, c'est vrai. Mais là, j'aurais vraiment peur de ce genre de choses. Les voitures autonomes, pas du tout. Sur les réseaux sociaux. Justement, on a Jérémy qui est avec nous, qui est plutôt partagé par rapport aux robots et à l'intelligence artificielle. Jérémy ? Oui, allô, salut tout le monde. Alors salut. Toi, les robots, tu m'as dit, tu as d'ailleurs partagé sur les réseaux sociaux, tu l'as écrit à Axel avant qu'on te prenne à l'antenne, t'avais plutôt peur des robots, tout ça ? Ouais, c'est ça, moi je pense un peu comme Mathias, je trouve que ça va très très vite, ça arrive très très vite ces choses-là, donc ça fait peur effectivement. Est-ce que toi tu te verrais, je sais pas, dans 10 ans avoir un robot chez toi qui t'aide dans ta vie au quotidien? Ça existe déjà, les Google Home, tout ça. Oui, non, mais plus qu'une Google Home du style, tu vois, un mini humain. Un truc humanoïde en fait. Ouais, voilà, tu vois. Okay. Est-ce que tu te verrais pas, je pourrais pas, j'arriverais même pas à dormir. Si je reste ça chez moi, j'arriverais même pas à dormir, c'est pas possible. Déjà, les voitures, là, vous en avez parlé, ça me. T'as le permis, toi un peu, tu vois. Ouais, j'ai le permis, ça fait 2-3 ans que j'ai le permis. Ouais, donc tu te verrais pas. Je suis très content de conduire, tu vois. Mais les robots, non, c'est mort, les trucs à la Terminator, tout ça. Alors, par contre, il y a une autre sorte de robot, je sais pas si tu connais, tu sais, c'est les robots, par exemple, les robots ménagers. Par exemple, c'est des petits ronds, en fait, qui peuvent nettoyer. Ça, je pense que ça ouais, te dérange pas forcément. Les robots aspirateurs, genre. Les aspirateurs. Ouais. Ouais, c'est une sorte de robot. Ouais, les robots cuisine, tout ça. Mais bon, là, on parle de vrais robots humanoïdes, ceux qui font la cuisine. Les mecs, ils t'arrivent, ils font bonjour, Axel. Tu vois, genre. Ouais, voilà, moi, c'est ça, moi, c'est les robots à la japonaise, là, qui ont des visages humains et tout. Là, non. Ouais, oh, bah, ça, je c'est flippant, j'ai vu. Donc, ça fait peur. Ça. Après, moi, c'est parce que je regarde aussi beaucoup de films, tu vois, tout ce qui est science-fiction, ouais. Tout ce qui est. Ouais, Black Mirror, tout ça. J'ai vu Terminator qui est super, iRobot plus récemment que j'ai vu aussi. Et c'est. Bon, à chaque fois, c'est les catastrophes qui arrivent, tu vois. C'est les humains qui sont d'accord. Tués par les robots, les robots qui se révoltent un peu partout. C'est pas ouf. Donc, j'adore les regarder, mais dans la vraie vie, ce serait. Donc, t'es plutôt sceptique, Jérémy, toi. Ah ouais, honnêtement, ouais, non, je suis pas sceptique dans le sens où je me dis que ça va arriver, tu vois. Donc je me dis que ça va arriver. Mais par contre, je suis sceptique dans le fait d'en avoir un chez moi. D'accord. C'est mort. Ok, Jérémy, bah merci d'avoir donné ton témoignage sur StudioQuad. Tu repasses quand tu veux. Merci, Jérémy. Salut, Jérémy. Salut, Jérémy. Salut. Dans un instant, on va jouer au jeu du booster. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur StudioQuad. Vous continuez de réagir avec le hashtag Booster sur Facebook, Twitter, Insta. Vous nous envoyez vos messages privés sur StudioQuad. Une seule règle pour le jeu du Booster, vous posez un maximum de questions pour retrouver le mot caché du jour. Un mot en rapport avec notre dose du jour. Yeah. Les robots. Les robots. Voilà, ça peut être très bien un objet ou un personnage. On redira ça dans un instant. L'info du vrai faux arrive dans un instant présenté par deux animateurs. Ça sera juste après sur Studek Web. L'équipe Borderline, elle se prépare l'émission Culture sur Studek Web. Ils ont osé kidnapper le guide du musée d'histoire naturelle de Paris. Ils ont même fait subir un interrogatoire au patron des plus grosses maisons de disques de la capitale. Oui, tout ça pour une seule émission. Ils sont complètement fous. Hein. Trois personnes qui dépassent les bornes. Julie, Morgane et Corentin reviennent sur des infos et des musiques cultes de la pop culture. Borderline, ça sera juste après de 15h à 16h. Et c'est seulement sur Studek Web. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. De retour sur Studek Web, nous sommes jeudi, il est 14h30 et aujourd'hui le Flash Info est présenté par deux animateurs. Ah ouais, mais non, c'est pas ça les infos. L'info du vrai faux, c'est sur Studek Web. Le Flash Info du Vrai Faux, ça se passe avec vous, Mathias Toussaint et Axel Ferrari. Bonjour messieurs. Bonjour Nathan, bonjour à tous. Un point sur la technologie pour démarrer cette info du Vrai Faux. Apple, encore une fois au cœur d'un nouveau scandale après que tous les Siri du monde se soient mis en grève. Ils revendiquent de meilleures conditions de travail et que les réveils soient moins matinaux. La fusée autonome, c'est le défi que lance la société Renault. Leur but est de remplacer toutes les Clio par des fusées autonomes. Le directeur de la conception Renault aurait ajouté « Les Clio, c'est moche, il est temps de passer à autre chose ». François Hollande est annoncé en DJ guest pour la prochaine édition du festival électro Tomorrowland Winter. Un featuring avec Armin Van Buuren et Lost Frequencies est en cours d'élaboration. J'ai rien. Le Père Noël vient d'être arrêté à la frontière mexicaine. De niveau du People, il explique d'avoir tenté d'acheter un lot de hand spinner à un vendeur à la sauvette. Aujourd'hui, rendez-vous à la Sorbonne pour une compétition d'invention sur le thème de l'écologie. Nous avons interrogé Augustin, qui est l'un des chefs de projet de l'équipe favorite de cette année. Écoutez. Avec l'équipe, on sort du brainstorm, on a une idée de dingue. Le truc, ce serait en fait de faire des chiottes 100% recyclables. Tu torches avec des brins d'herbe et tu chies dans la pelouse. Ça fait de l'engrais et c'est bio. Une invention qui a d'ailleurs été confirmée par le ministre de l'écologie. Merci messieurs, le Flash Info du Vrai Faux revient lundi sur Studek Web avec Caroline, Pierre et Julien. L'info du Vrai Faux, c'est terminé. Axel nous parle de son spectacle d'hypnose et moi je vous présente dans un instant l'album à venir. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top and you know. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Anything we just speak our language. They say we're too savage. Yeah, no, no, we don't give up anymore. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They don't speak our language. They say we're too savage. Yeah, no, no, we don't give up anymore. We're gonna ride. Le son de Jonas Blue, Rise, sur Studek Web. Le coup de boost. De 14h à 15h sur Studek Web. Axel, tu m'en parlais tout à l'heure, t'es allé voir un spectacle de mentalisme et d'hypnose. Exactement Nathan, je suis sorti samedi dernier et je suis allé voir pour la première fois un spectacle de mentalisme et d'hypnose. Alors le spectacle s'appelle Prémonition. Léo Brière, ancien monsieur loyal du Cirque Pinder, nous présente un spectacle unique où l'on est totalement acteur du show. Durant 1h30, il nous embarque dans son univers avec des expériences totalement incompréhensibles. Il y a de la transmission de pensée, des expériences numériques, de l'hypnose. C'est vraiment impressionnant. Là où je trouve que c'est très fort, c'est le fait que la majorité des spectateurs montent sur scène pour participer aux expériences. Et puis une nouveauté dans la magie, Léo utilise la technologie grâce à un écran géant. Chaque spectateur est invité à utiliser son téléphone lorsqu'on sort de la salle. On se pose plein de questions, comment fait-il, comment c'est possible, ça fait travailler notre cerveau d'une certaine manière, je trouve ça génial. Et puis dans notre téléphone, en fait, on se rend compte que tout est écrit d'avance grâce à un mail en fait qui résume tout le spectacle. Sauf que ce mail a été envoyé avant le début du spectacle. Enfin, c'est très très troublant, il faut vivre l'expérience pour le comprendre. Il y a un numéro qui m'a marqué en particulier, c'est à un moment, le mentaliste prend 4 revolvers qu'il teste pour nous prouver donc qu'ils fonctionnent bien. Il demande à un spectateur d'en prendre un et de mettre une balle à blanc dedans. Lorsqu'il ne regarde pas, il prend les pistolets un par un et tire dans sa tête pour nous prouver en fait qu'il n'y a pas la balle dedans. Bien sûr, bon, il se passe rien. Et à celui avec la balle choisie, c'est le dernier qu'il prend, alors qu'il l'a pas vu. Donc c'est juste énorme, c'est hyper flippant. Je peux vous dire que dans la salle, il n'y a pas un bruit, tout le monde est extrêmement concentré. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle. Ça se passe au Théâtre de la Boussole à Paris, dans le 10e arrondissement, et c'est du mercredi au samedi jusqu'au 19 janvier. Et toi, tu t'es fait hypnotiser du coup, ou pas du tout? Alors moi, non, parce que je suis pas réceptif. En fait, je t'avoue qu'en fait, il fait des tests de réceptivité au début, voir un petit peu si oui ou non il y a possibilité. Moi, ouais, ça n'a pas marché, mais je sais que mon pote avec qui j'y suis allé, ça a fonctionné à 100%. Bah, je vais quand même essayer de t'hypnotiser, Axel, avec mon artiste, l'album à venir. Bon, d'accord, mais celle-là, vous la connaissez pas parce qu'elle est nouvelle. Les sorties de la semaine sur Studek Web. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique, l'équipe? Alors non, moi j'ai joué de la batterie pendant un petit temps. Bah exactement comme toi Mathias, je joue de la batterie et je chante tout comme l'artiste américain que je vous présente aujourd'hui. Et devinez quoi, il sort son deuxième album studio demain. Anderson .Paak, c'est son nom, il a 32 ans. Il vient directement de la West Coast, enfant sur les conseils de sa mère. Pourtant, j'ai écrit ça, hein, c'est ça le pire. Il s'abandonne à la soul et au disco des années 70 avec de grosses références, que ce soit du Marvin Gaye, Stevie Wonder, en passant par Curtis Mayfield, pour ne citer que. Anderson .Paak a de quoi nous faire rêver. Il faut savoir que ce mec-là, j'ai découvert pendant la tournée de Bruno Mars avec son groupe The Free Nationals, et c'est là que j'ai découvert qu'il avait fait une carrière solo quand j'ai écouté son single Am I Wrong. So precious is yours, is mine, only one at a time. Dans la mouvance naïf pop chic et élégant, Anderson .Paak va continuer de faire parler de lui. En effet, produit en collaboration avec Dr. Dre, son deuxième album Oxnard est dispo demain. Allez l'acheter, vous risquez de passer à côté de quelque chose. À la croisée des genres entre rap, funk, jazz et R&B, Teens, c'est son nouveau titre en feat avec un rappeur plutôt connu, Kendrick Lamar. Vous êtes sur Studek Web, voici Anderson .Paak. I've been feeling kinda cooped up, I'm trying to get some fresh air. Hey, why you got the roof out, you know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra attention. Paparazzi wanna shoot ya, niggas dying for less out here. For the cameras, right? Fuck, I'm doing fish bowling. Sorry. 100,000 on the passenger, bitch. I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance, I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10 cause bomb head is non-disclosure. I need 10 so I can live with a peace of mind without niggas taking a piece of mind and peace be still and not do fine. So fuck a fix it ticket. You pull me over and might see one of your bitches. Ça s'appelle Teens Anderson .Paak, c'est le troisième titre de l'album Oxnard, dispo demain. Ça vous a plu les gars ou pas hein? J'adore kiffer surtout le couplet de Kendrick Lamar. Ouais, parce que tu es fan de rap, c'est pour oui. ça que tu dis ça. Notre spécialiste. On pourrait pourquoi pas s'arranger pour essayer de vous offrir cet album une semaine prochaine. Pourquoi pas, je pourrais l'acheter pour l'offrir. Justement, on joue au jeu du booster juste après. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Vous continuez de nous envoyer vos messages directement sur Studek Web avec le hashtag, c'est toi qui t'en occupes, Axel. Le hashtag booster. Booster, exactement, booster. Sur Facebook, Twitter et Instagram, bah, je vous attends. Voilà, la seule chose qu'on cherche aujourd'hui a un rapport avec les robots, c'est notre dose du jour. Et oui. Ça peut être très bien un personnage. Ça peut être un personnage, un accessoire, ça peut être quoi que ce soit, tout ce qui a un rapport avec les robots en fait. Voilà, à vous de poser un maximum de questions pour retrouver cet objet, cette chose en fait, que ce soit un objet, un personnage ou autre chose. On va écouter dans un instant le son de Aya Nakamura. La boîte noire qui arrive dans un instant juste après le son de Naya Nakamura, comme a dit Nikos. Naya Nakamura. Bonjour, c'est les dimensions de l'heure média. Du lundi au jeudi avec Alice Pascal, nous décrypterons tous les faits d'actualité média. Vous aimez les débats, le showbiz ou encore la découverte ou redécouverte d'une émission mythique? Branchez Studek Web du lundi au jeudi de 16h à 17h pour l'heure média. Réagissez également en direct pendant toute l'émission via les réseaux sociaux Studek Web. L'heure média, ce sont nos médias et surtout vos médias. Il m'a dit t'es où, je te rejoins t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin C'est toi, Axel, la plus bonne de mes copines. Vous êtes sur Studek Web. Ta dose de kiff, c'est avec l'équipe du coup de boost sur Studek Web. On joue au booster dans un instant. La messagerie vient tout juste de se fermer. Vous ne nous laissez plus de messages. Ça sera plutôt pour une semaine prochaine. Allez, c'est parti. On écoute vos messages que vous nous avez laissés. Coucou l'équipe, je suis en couple depuis 2 ans et j'ai toujours autant de mal à laisser sortir mon mec. J'ai toujours peur qu'il me trompe. Je sais pas, est-ce que vous pouvez me donner des conseils, des astuces? Rappelez-moi s'il vous plaît. Salut l'équipe, j'ai à me faire opérer dans sa gueule et j'ai vraiment du mal à me faire comprendre. Merci. Salut à tous, en fait je vous appelle parce que j'ai une question existentielle qui m'est venue à l'esprit. Écoutez bien, vous préférez manger un sandwich avec des cheveux ou un sandwich avec des ongles? Lequel est plus dégueulasse à votre avis? Salut l'équipe, bah voilà, moi je suis amnésique et je voulais savoir si vous aviez des astuces pour mieux me souvenir des choses du quotidien. Merci, je vous kiffe. Il nous a déjà appelé hier. Ouais, okay. Oui. C'est le troisième message qu'il nous laisse, ce monsieur. Encore beaucoup de messages pour aujourd'hui. Donc, on a eu plusieurs questions. On va pas répondre à la question sur le sandwich, clairement. Ni sur celle des rages dedans. Les rages dedans, mais de la glace et voilà. C'est tout. Mais vous êtes fait déjà opérer des dents de sagesse? Il non, me semble, jamais. Toi, Axel, tu t'es fait opérer des dents de sagesse. Il y a 2 mois. Bon, alors, tu vas avoir. Vous avez, toi qui vas te faire opérer des dents de sagesse, tu vas avoir les joues gonflées comme un hamster durant 2-3 jours. Tu prends du doliprane, ça passe tout seul, tu verras ça. En vrai, moi je m'attendais à vraiment pire comme douleur, c'est pas si dur que ça. Du coup, on choisit Julie pour aujourd'hui, c'est Marine ouais. Qui nous a appelé, pardon. Marine qui nous dit qu'elle a un petit peu de problème avec son copain, elle a du mal à le laisser sortir. Elle est jalouse en fait. Tu nous entends, Marine ? Allô, ouais, salut l'équipe. Salut Marine. Tu as quel âge ? J'ai 27 ans. Et tu fais quoi dans la vie, Marine ? Alors, je suis infirmière libérale. Ah, du coup, c'est quoi le problème, en fait ? T'as du mal à laisser sortir ton copain, c'est pourquoi ? T'es avec lui depuis pas longtemps ? Ouais, en fait, j'ai peur quand il sort parce que je suis super jalouse, en fait. Donc, s'il y a des filles avec, bah, je suis pas sereine. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait 1 an. Un an ? Ah, ça va. Et, au moins, c'est bien, parce que quand t'es jalouse, ça prouve que tu l'aimes. Ouais, c'est déjà ça, bien. C'est déjà j'ai bien. Des doutes. Enfin, quand même, je trouve. Enfin, moi, je sais pas, mais je trouve que 1 an, si tu lui fais pas confiance, c'est quand même qu'il y a un souci dans votre couple, non? Tu crois pas? Ouais, c'est pas faux, mais c'est vrai que je suis pas sereine, je suis de nature. Est-ce que, par exemple, tu vois, le week-end, il va. Je sais pas, il sort au cinéma avec des potes ou il va se balader un petit peu. Est-ce que, par exemple, là, t'as peur? Ouais, je suis inquiète quand même. Bah, quand je suis pas avec lui, je suis pas sereine. D'accord. Okay. Et lui, comment il le vit ça? Ah bah lui ça l'énerve forcément. Mais ouais, mais est-ce que vous en avez parlé entre vous? Ouais. Il me dit de pas être jalouse, mais Je crois qu'on l'entend derrière. Mais il y a ton copain derrière. Il est derrière? Ouais. Bah attends, mais parlez-nous tous les deux. Vas-y, passe-le nous. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Allô? Oui, t'es le copain de Marine? Ouais, c'est Jean-Pierre au téléphone. Jean-Pierre. Salut JP. Salut JP, t'es bien quoi? Vous êtes qui là? C'est la radio au téléphone. La radio, Studek Web, ouais. Okay. On interrogeait Marine, elle nous avait laissé un petit message, voilà, du coup, rien de... Moi, j'ai une petite question très rapide, est-ce que JP, toi, tu es jaloux quand Marine, elle sort avec des copines ou pas? Oh, je suis pas jaloux, mais elle a pas le droit de sortir, c'est normal, hein. Ah, donc elle ne te laisse pas sortir. Hein. JP, non. Donc elle te laisse pas sortir, mais toi non plus, du coup. Il faut que vous ayez une certaine liberté, quand même, dans votre couple, surtout si ça fait 1 an que vous avez une relation, là, moi, je pense... Ah, mais elle est totalement libre, hein, je lui laisse à manger, il y a de la lumière à la maison, tout va bien, hein. D'accord, bon, écoute JP, on va vous laisser entre couple. Tu remercieras Marine d'être passée sur Studek Web. Je vous la repasse. Pas de soucis. Allô Marine ? Allô, oui, allô. Oui, merci d'être passée sur Studek Web. Merci à vous. On te répondra plutôt par message, on te répondra, hein, parce que là, il y a ton mari derrière. On va jouer au jeu du booster, maintenant. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou, un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Le jeu du booster aujourd'hui, on accueille un auditeur, vous étiez nombreux à participer. Très nombreux sur les réseaux sociaux, vous êtes très nombreux, c'est hyper impressionnant. Je n'ai absolument pas reçu la fiche, tu t'appelles comment ? Bonjour, c'est Emmanuel. Emmanuel, tu nous appelles d'où, Emmanuel ? Bah écoutez, je vous appelle de Lyon, la belle ville de Lyon, on a le soleil, il fait beau, c'est agréable. D'accord, et tu fais quoi dans la vie ? Eh bah, ben je suis agriculteur. Je travaille dehors, c'est pour ça que ça fait du bien quand il fait beau. D'accord. Bon courage. Tu joues pote. Pour un pack Studek Web, Emmanuel, on le rappelle, avec des stylos, des compiles, une vis des studios, des dédicaces avec les animateurs de ton choix. Oh, la totale. La totale. Écoute, j'ai hâte. Vas-y, j'espère que je vais gagner. On te rappelle les règles, Emmanuel, ou... Allez, oui, compris. volontiers. Bon, allez, c'est parti. L'équipe du coup de boost pense à un mot, tu dois juste retrouver ce mot en posant un maximum de questions et on te le rappelle. Aujourd'hui, le thème, c'est les robots. C'est parti, Emmanuel, tu es prêt? Oui, je suis prêt. C'est parti. Alors, est-ce que c'est un robot super-héros ou pas? Ah, tu t'en rapproches, mais c'est pas un super-héros à proprement parler. Ok, est-ce qu'il apparaît dans des films ou pas, du coup? Oui, il apparaît dans un film, oui. Est-ce qu'il apparaît dans La Guerre des Étoiles? Non, justement. Est-ce qu'il apparaît dans un Disney? Non. Il me semble que c'est un Disney, hein. Non, je pense pas. Non. Vas-y, reste quelques secondes. Est-ce qu'il a des boutons qui s'allument ou pas? Non. Oui, sur lui. C'est un vieux robot, en fait. C'est un très vieux robot. C'est un très vieux robot. Très connu. Très vieux, très c'est connu. l'un des robots les plus connus. Il est musclé. Il est immense. Il est musclé. Immense et musclé. Iron Man? Non. Vas-y, quelques secondes. Les dernières secondes. Je sais plus. Buzz l'éclair. C'est pas Buzz l'éclair. Non. C'est pas un robot. Aidez-moi un indice, s'il vous plaît. Il est très grand, très musclé. Ouais. C'est perdu. Oh non, j'ai trop déçu, les gars, là. C'est pas grave. C'était qui, du coup, Axel? Bah, c'était Terminator. Terminator. Mais il est mi-humain, mi-robot aussi. Il est très grand. C'est surtout un robot. C'est quand même un robot. Il y a moyen au moins d'avoir la compil Studekweb, s'il vous plaît, les gars? Oui. Écoute, on t'envoie ça. Dédicacé, en la compil Studekweb pour toi. Exceptionnellement. C'est trop gentil, je vous adore. Exceptionnellement. Jérémy, merci d'avoir joué avec nous. Merci. Et tu repasses quand tu veux. Salut, Jérémy. Avec grand plaisir. Merci, salut. Salut, Jérémy. On continue sur Studekweb avec l'équipe. Ça va, Julie? Ça va et toi? Oui, de Borderline. Borderline, c'est ça. J'avais complètement oublié ton émission. Je suis vraiment désolé. Ça fait plaisir. Il est fort. Et vous allez parler de quoi, du coup, dans Borderline aujourd'hui? On va parler série du moment, nouveaux talents, et on va vous faire gagner un pack Studekweb. Alors restez bien là. Vous avez réservé plein de surprises, pardon. Ok, merci, Julie. Ça arrive dans un instant sur Studekweb. Le temps d'écouter une belle musique des années 80 qui nous avait rappelé beaucoup de souvenirs avec Desireless, celle qui s'était coupée les cheveux dans le clip. Ouais, bien sûr. Rappeler. Ouais, d'ailleurs, Axel, Mathias, tu comptes de couper les cheveux bientôt? Arrête avec ça. Oui, parce que ça commence à faire long, là. Arrête. Salut. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. Une école, une radio, et vous.